Connaissez-vous nos ancêtres, les Kalinagos? Les premiers habitants des territoires que nous appelons aujourd'hui les Antilles étaient des Amérindiens originaires du nord du Venezuela qui ont émigré vers ces îles à partir du 9e siècle de notre ère. Alors qu'ils se désignaient eux-mêmes comme des Kalinagos, les Européens qui ont accompagné Christophe Colomb dans ses expéditions leur ont donné le nom de Caraïbes, mot qui a également servi à nommer l'espace maritime qu'on appelle la mer des Caraïbes. Le terme a été ensuite transposé dans de nombreuses langues européennes par l'intermédiaire de l'espagnol pour donner naissance à cannibal. On a là une illustration du regard péjoratif que les Européens ont porté sur cette population dès leur arrivée. Des travaux récents ont tordu le cou à ce stéréotype en montrant que c'est le rituel des morts que pratiquaient les Amérindiens en conservant notamment des ossements dans leur maison, qui avait été présenté comme une preuve de cannibalisme. Cette vision négative a été ensuite entretenue par des colons espagnols cherchant à justifier le pillage de leur territoire. Ils se sont appropriés leurs terres, ont volé leur or et ont réduit les Kalinagos en esclavage. Les nouvelles maladies introduites par ces colons, les guerres et le travail forcé expliquent qu'en quelques décennies, ces populations furent décimées. Parmi les Kalinagos qui échappèrent à ce génocide, une petite communauté parvint à trouver refuge sur l'île de la Dominique, située entre la Guadeloupe et la Martinique. Ils forment aujourd'hui environ 3% des 75 000 habitants de cette île, occupée par la France jusqu'en 1763, puis par la Grande-Bretagne jusqu'en 1978, avant de devenir indépendante. Les Kalinagos vivent sur le petit territoire que leur a concédé la couronne britannique en 1903. Mais petit à petit, cet espace s'est atrophié au point qu'il se réduit aujourd'hui à une bande de terre de 15 km carrés, présentée comme une réserve indienne autour de la ville de Salibia sur la côte est de l'île. Ils s'efforcent de préserver leur culture tout en s'adaptant à la mondialisation de nos sociétés. Un événement important dans l'histoire récente des Kalinagos de la Dominique a été l'arrivée du Vai Tucubuli National Trail que nos guides touristiques présentent ainsi. 185 km d'un trek magistral pour trekkers costauds. Varior, préparez votre sac à dos. Les Kalinagos ont tablé sur le fait que les Varior, lorsqu'ils seraient fatigués d'arpenter leur territoire, pourraient s'intéresser un peu à leur savoir-faire traditionnel. « Il faut transformer notre culture en dollars », a alors affirmé Garnet Joseph, le chef de la communauté Kalinagos, soucieux de lutter contre la pauvreté des siens. C'est dans ce but que les Kalinagos ont recréé un village traditionnel, le Kalinago Barana Ote, avec un petit musée où les touristes peuvent écouter de la musique traditionnelle, acheter des œuvres authentiques de l'artisanat local et manger du pain d'ignam, le cassabé. Visite instructive, à ne pas manquer, disent nos guides, en oubliant de préciser que les Indiens qui rejouent ainsi les scènes de leurs ancêtres remettent leurs vêtements de tous les jours quand les touristes sont partis et rentrent dans leurs maisons de parpaings et de tôles.